danser. Les boutons de jazz ça frappe. Tu mets pas chita pour garder. Tu vas c'est inspiration. C'est quand tout le monde danser. Ça qui sorti dans le ciel. Toujours bon qualité. J'ai la moi la map danser. Moi senti m'enragé. Tu vas c'est où moi v'lè. C'est où moi v'lè danser. Chaque samedi mal joué dans moi ça. Moi senti mon paradis. La jeunesse est mauvaise, la jeunesse.

vibe là. Quoi ça? Ou mettre sur des bombes? Mais ça c'est vibe là. Fanatique. Ou mettre sur des bombes? Mais ça c'est vibe là. Mais ça c'est vibe là. Tout côté. Mais ça c'est vibe là. Miami. Mais ça c'est vibe là. En New York. Mais ça c'est vibe là. Haïti. Mais ça c'est vibe là. Tout côté. Shut up!